Salut les amis, c'est Sofiane. Alors, toutes mes excuses, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti d'épisode. Alors, je sais, ça fait moins d'un mois, mais comme j'avais pris l'habitude de sortir un nouvel épisode tous les 2 jours, c'est sûr que là, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Donc, toutes mes excuses, je vous explique. C'est parce que je suis en pleine mutation professionnelle. Je vous l'annonce dans le podcast parce que je vous aime, tout simplement. J'ai quitté Bordeaux et je suis parti travailler à Paris, à la RATP. Donc, je suis toujours chauffeur de bus. Et maintenant, je travaille à Paris. Voilà, je me suis jeté à l'eau. J'ai sauté le pas, comme on dit. Et donc, voilà, je commence cette grande aventure. Donc, Bismillah, comme on dit. Voilà, au nom de Dieu, je commence cette nouvelle aventure. Et j'espère que vous viendrez me voir sur Paris et qu'on pourra discuter de tout ça et faire des scènes ensemble si vous êtes humoriste. Sinon, que vous viendrez voir mes passages si vous êtes spectateur. Voilà. Je vais lancer l'épisode avec Florent Père et je vais vous annoncer ces dates. En attendant, voilà, c'est juste pour vous dire, il y aura beaucoup moins d'épisodes parce que malheureusement, je n'ai plus le temps de monter. Là, en ce moment, c'est très compliqué. Je travaille, puis après le soir, je joue et tout. Donc, vraiment, j'ai très peu de temps. Quand j'en ai, j'essaie de monter des épisodes. Donc, là, le rythme de un épisode tous les 2 jours, j'arriverai plus à le tenir. Je vais pas vous mentir. Mais je vais essayer de reprendre dès que possible. Si j'ai plusieurs épisodes qui se sont montés, j'essaierai peut-être d'en sortir genre 4-5, un par jour, voilà, pour rattraper un peu le retard. Mais je me doute que je le rattraperai pas. Donc, voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, vraiment. Vous savez que de toute façon, ce podcast, je suis vraiment à fond dedans. C'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur, vraiment. Donc voilà. Toutes mes excuses pour ceux qui attendaient les nouveaux épisodes. Toutes mes excuses aux invités à qui j'avais dit qu'ils sortiraient. Je leur avais donné des dates. Et finalement, ça va être un petit peu repoussé. Donc voilà, mais vraiment, c'est pas volontaire. C'est pas le temps, malheureusement. Le travail et tout. Enfin là. Gros challenge, donc je suis obligé d'être à 100% dans mon boulot pour pouvoir assurer ma nouvelle situation. Voilà, tout simplement. Maintenant, on parle de Florent Père, vraiment, allez le voir en spectacle. Je vous donne les prochaines dates. Donc là, le podcast sort le 4 décembre, donc je vous donne les dates à partir du 4 décembre. Ce soir, donc le 4 décembre, il sera à Paris, donc au Théâtre Trévise. Le 9 décembre à Canteleu dans la Seine-Maritime, le 76. Le 10 et 11 décembre à Paris, donc Théâtre Trévise. Le 15 décembre à Trélaz ou Trélazé, je sais pas, désolé, dans le 49. 16, 17 et 18 décembre de retour à Paris. Le 19 décembre à Deauville, dans le Calvados. Le 22 et le 23 à Paris, décembre toujours, et le 29, 30 et 31 décembre à Paris également. Voilà. Le spectacle, je l'ai vu personnellement et je peux vous assurer que j'ai pris une claque. Vraiment, hein, c'est un spectacle sur l'écologie, tout ça, et je pensais sincèrement que j'allais pas être d'accord avec le propos, non pas que je sois anti-écolo, évidemment, mais c'est juste que je me disais que ça allait pas vraiment m'intéresser. J'avais peur que le côté écolo l'emporte sur le côté humour. Et ben franchement, j'ai pris une claque humoristique et écologique, vraiment les deux. Donc Florent, bravo à toi, c'était génialissime. Merci encore pour ta gentillesse. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous laisse avec notre épisode. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Florent Père. Salut Florent, comment tu vas? Salut Soso, ça va? Ça va, merci et toi? Alors, tu te souviens certainement pas de moi, mais on s'était croisé une fois dans un bar. Mais évidemment, tu dois croiser plein de gens, alors tu t'en souviens pas, mais c'était aux Folies, en face des Folies Bergère. Et je t'avais serré la main, mais là, je vois que tu t'en souviens pas, donc je suis un petit peu vexé, mais c'est pas Ouais, mais tu sais, je suis vraiment désolé, Florent, mais tu sais, le nombre de stars que je rencontre qui grave. viennent Je me sais. demander des selfies et tout, c'est bon, quoi. Je comprends. Bah voilà. Mais c'est pas grave, c'est pour me rattraper que je t'ai invité dans le podcast. Ah bah merci, merci parce que je te cache pas que j'étais pas bien. Alors là, c'est la première fois que je suis obligé d'expliquer une private joke dans le podcast. Parce qu'en fait, mesdames et messieurs, j'ai rencontré Florent Père exactement de la façon dont il l'a décrite. Je l'ai rencontré, c'était ouais, au Café Folies à l'époque. C'était pour la dernière du spectacle de Claudia Taqbo. Je pense que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi je m'en souviens très bien, c'est en 2015 parce que je me suis fait un petit tatouage juste après sur le poignet J'ai vu Soso, c'est ça? avec la date, avec écrit J'ai vu Soso dessus. En fait, là je regarde sur mon poignet, effectivement, ouais, c'était 2015, ouais, c'est ça. 2015, ouais, mais oui, bien Ouais, sûr, bien sûr. ouais. Eh bien, Je le écoute, sais parce c'est que j'ai clair. écrit 2015 en chiffres romains sur mon poignet pour pas Punaise, ça fait oublier. un long tatouage, hein? Ouais. Oh, quoique non, ça fait MMXV, un truc comme ça. Ok, le gars taquine les chiffres romains. Ok. Ben écoute, personnellement, le gars se la pète. Bah, vu mes origines, je serais plutôt chiffre arabe, hein, je te cache pas, mais... J'y ai pensé, mais je me suis pas permis. Non, c'est ma façon de m'intégrer, tu sais. C'est, je pense que j'ai gagné ma carte de séjour. Même si je suis né ici, ça va, je l'ai mérité. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast, vraiment. Pour moi aussi, merci. De t'avoir croisé, ben, c'est sincère, hein, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir croisé ce soir-là. Donc, c'était ouais, pour la dernière du spectacle de Claudia Tagbo. Il y avait Arthur, il y avait Ariane Brodier, il y avait Rachid Badouri, adorable également. Il y avait Fabrice Eboué. Il y avait vraiment tout un tas de guests quoi, qui étaient venus pour la dernière du spectacle de Claudia Tagbo au Folies Bergères. Et donc, je t'avais rencontré. Ben, c'est la seule fois que je t'ai vu. Sinon, le reste, c'était sur mon écran de portable. En regardant Ondar, les rediffusions et tout. Après, j'en profite, ouais. Puisque j'étais là, je dois t'avouer que j'ai capté que tu me suivais aussi pendant un petit moment. Je t'ai vu à des coins de rue, tout ça. Pendant 5-6 ans, tu m'as suivi un peu discrètement. Vraiment, je pensais avoir été plus discret que ça. Je suis désolé. Ouais, alors j'en profite là, puisqu'on discute un peu. Je voulais te dire d'arrêter, s'il te plaît. Écoute, je t'ai vu à la sortie de l'école de mon fils, tout ça. Je t'ai vu avec les chocobéennes, tout ça, je t'ai vu. Oh non! c'est parti dans complètement autre chose, là. Parce que autant le début de l'histoire, j'étais prêt à te suivre, autant là, ça parle d'école privée avec chocobéennes. Ça va être très dur pour moi de te suivre là-dedans. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Maintenant, j'ai enfin réussi à t'avoir. Ce qui fait que maintenant, tu es tranquille. Je pense qu'à partir de maintenant, je n'ai plus aucune raison de te suivre et tout. On verra bien. Voilà. Okay, bon, en tout cas, c'est un plaisir. Bah, c'est un plaisir et un honneur. Hein. C'est vraiment sincère. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes de scène à nous raconter? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, maintenant, je vais les trouver maintenant. Donc, c'est des anecdotes de galère, on est d'accord. Hein. Oh, oui, bah, en fait, c'est des anecdotes. J'ai appelé ça galère d'humoriste, mais c'est des anecdotes marquantes. Donc, la plupart du temps, je ne te cache pas que 80% du podcast, c'est des bides. Après le reste, ça va être des situations marrantes, des hecklers dans la salle, des problèmes de son, des problèmes de lumière, enfin tout quoi, toutes les galères de la vie d'humoriste au sens large quoi. Alors écoute, j'en ai comme tout le monde, j'en ai un petit tableau. J'en ai trois, j'en ai deux où je suis vraiment galère et une où je me souviens où je suis assez fier du truc parce que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais la première que je raconte souvent, c'est en fait j'étais pas du tout connu et je vais jouer un trois quarts d'heure, 45 minutes de mon spectacle de l'époque. Donc c'était bien avant que je fasse de la télé dans un domaine viticole à Sancerre pour la fête des vignerons. Alors je sais plus quand c'est la fête des vignerons, c'est en janvier je crois. Bon voilà. Et regarde l'autre bras pour le tatouage. Ah ouais, c'est ça. Bien, alors, fais voir. Alors, XXM. Bon, je t'envoie une photo et tu regarderas la date parce que moi, j'arrive pas à lire. Et donc, j'arrive dans le domaine viticole à, je sais pas, il est 11h du matin. Et donc, le propriétaire m'accueille hyper gentiment. Il me montre la salle où je vais jouer. C'est une très belle salle de réception. Il y a genre 100, 150 couverts, des tables qui sont installées avec une scène plutôt assez jolie. Enfin, tout ça est assez... assez classe quoi. Après tu voilà, c'est un peu comme jouer dans un mariage, c'est pas non plus hyper conforme et tu dis bon voilà, c'était bien payé pour l'époque en liquide, donc c'était génial voilà. Et j'arrive, il me dit écoute voilà, tu vas jouer vers 17h je pense, je te présente les artistes avec qui tu vas partager la journée. Donc il y avait un sosie d'Eddie Mitchell, bon, qui ressemblait autant à Eddie Mitchell que ce que moi je ressemble à Will Smith, et un gars qui faisait de la magie, qui faisait du close-up, c'est de la magie à la table comme ça, voilà. Et il me dit, voilà, vous allez jouer tous les trois. Bon, voilà, là, il est 11h. Pour l'instant, bah, tous les vignerons sont en dégustation à la cave. Donc, voilà, tu dis, OK, 11h. Bon, ils arrivent vers 13h. Vous déjeunez avec nous et ensuite, vous ferez le spectacle. OK, pas de problème. 13h, ils arrivent, tous les vignerons. Donc, il y a 150 vignerons, fête des vignerons, 13h. Ils sont déjà ivres morts. Donc, je fais, waouh! Et ils n'ont pas commencé le déjeuner. Hein. Juste la dégustation, ils sont déjà tous fracassés. Je dis, OK, ça va être compliqué. Et le déjeuner commence. Donc, bah, c'est très festif. Ils continuent de boire et tout. Bon, le sosie d'Eddie Mitchell, il a bu une demi-bouteille de whisky. C'est-à-dire que là, il se prend vraiment pour Eddie Mitchell. Il commence à me raconter des anecdotes avec Johnny qu'il n'a pas vécu. Et je vois l'ambiance monter. Je dis, mais ça, c'est impossible. Bon, ensuite, le magicien qui fait le close-up commence. Et donc, il va de table en table. Et je vois que même de table en table, le gars galère parce que, en fait, les mecs, ils ont juste envie de faire la fête, de dire des conneries, de boire du vin, de se raconter des anecdotes. Ils n'ont pas envie d'écouter des artistes, quoi. Et je vois qu'ils galèrent et tout. Je me dis, moi, ça va être une tannée, ça va être une horreur et tout. Et arrive mon tour. Il est genre, je passe 16h, 17h, autant te dire qu'ils sont cramoisis tous. Je monte sur scène et moi, j'ai trois quarts d'heure de sketch à faire. Donc, imagine, toi, tu es au mariage d'un pote, tu fais la fête, tu es heureux. Et d'un coup, on te dit pendant trois quarts d'heure, tu vas la fermer et tu vas écouter le gars qui fait des sketchs. T'as pas envie, tu vois, t'as pas du tout envie. Mais bon, j'y vais, je commence à jouer, je sens que c'est dur, j'arrive pas trop à capter l'attention, j'ai pas beaucoup d'expérience en plus à cette époque. Mais bon, j'y vais, quoi. Et à un moment, j'entends. Et je regarde et je vois la machine à fumer qui fait de la fumée. Je fais, ok, super. Et là, il y a un des mignons qui me regarde et il a trouvé la télécommande de la machine à fumer, s'il te plaît. Oh, le sabotage. Là, ça va être très compliqué. Donc, il met des petits coups de temps en temps. Alors, j'essaie d'improviser dessus, mais je suis nul en impro à ce moment-là. Et à un moment, il fait… Et il reste appuyé 5 minutes sur la machine à fumer. Et il remplit le plateau, il remplit la scène de fumée, c'est-à-dire qu'on ne me voit plus. Voilà, c'est fini. Et tous les mecs sont là, ouais, bravo Jojo, super, wouh, t'es super drôle, t'as mis de la fumée de partout et tout. Moi, dans ma tête, je pense à Dupontel, il y a une anecdote de Dupontel qui dit qu'à un moment, il jouait dans un théâtre où il y en a un mec au premier rang qui n'était pas très concentré et Dupontel lui aurait mis une droite et l'aurait assommé et il aurait continué son spectacle. Dans ma tête, je me dis, allez, vas-y, t'es Dupontel, t'as le droit au respect. Bon, évidemment, je ne fais rien du tout. Je continue à jouer dans le brouillard. Je me dis, allez, je m'en fous, je vais me barrer. Puis quand je me dis, je vais me barrer, je réalise que je suis perdu au milieu des vignes, au milieu de nulle part. Et que le seul gars qui peut me ramener à la gare, c'est le patron qui m'a fait venir. Donc, tu penses bien que si je quitte la scène, il ne me ramènera jamais à la gare. Surtout, il ne me donnera jamais mes sous. Donc, au final, j'ai fait mes trois quarts d'heure de sketch dans le brouillard. Les mecs me voyaient pas, les mecs ne riaient pas, ils buvaient entre eux, je jouais et j'entendais les gars faire hey, il reste du dessert là, ouais, attends, il reste du vin rouge, tiens, ramène du vin rouge et tout. Et voilà, j'ai été humilié jusque, bah voilà, j'ai joué jusqu'à la fin. Le gars qui m'avait fait venir m'a pas vraiment félicité, je crois qu'il était pas très heureux de ma prestation. Et puis, il m'a ramené à la gare et puis voilà, fini. Fin d'anecdote. Alors franchement, c'est une anecdote premium, celle-là. Ah, c'était une horreur. Ah, ça devait être une horreur, c'est clair. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, moi, je trouve que le mec qui n'était pas très content de ta prestation, machin, je trouve qu'il aurait plutôt dû ne pas être content de son organisation, parce que faire jouer quelqu'un après que tout le monde se soit cartonné la gueule au vin rouge, tu vois, enfin, je veux dire, mais ça, il ne le sait pas, en fait. C'est-à-dire que tu peux en vouloir à personne. Enfin, c'est la mauvaise idée. La bonne idée, c'est de se dire, je vais offrir un spectacle à tous les vignerons avec qui je travaille parce qu'il veut faire une belle soirée. Et l'erreur, c'est, mais ça, il ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, effectivement, moi, le premier, si je suis avec 100 potes en train de faire la fête, d'un coup, on me dit, tu vas te concentrer pendant trois quarts d'heure pour écouter les vannes d'un mec qui, en plus, à l'époque, c'était pas pourri, mais on peut pas dire que c'était, tu vois, parce que j'étais pas très expérimenté, donc ça devait être assez moyen. Je vais me forcer à me concentrer par respect parce que je sais ce que c'est, mais à un moment, on n'était pas au bon endroit, si tu veux, tu vois. Mais écoute, ça fait une anecdote. Mais c'est toujours riche d'enseignement, de toute façon, moments-là, ça te permet, c'est de l'expérience, faut le faire, quoi. Ça, de toute façon, je pense que bah, tu le sais, hein, tu fais des podcasts là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste à qui ce n'est pas arrivé, ce genre de galère. Je fais de la scène aussi, tu vois. Je fais du stand-up depuis 8-9 ans maintenant. Et moi aussi, il m'est arrivé des galères comme ça. Et il m'en arrivera encore. Mais c'est vrai qu'on a besoin, surtout quand on commence, comme tu l'as dit, c'était un peu tes débuts et tout. Je veux dire, on a besoin de tant de scènes, donc on prend tout. Et puis surtout, quand tu dis que c'est payé. Bon, alors là où tu m'as fait peur, c'est que tu m'as dit que c'était payé en liquide et que tu m'as parlé de vigneron. Donc est-ce que… Non, c'était payé en cash. En cash, d'accord. C'était ok, tu me rassures. Cash. Après, ouais. Quand même. Faut dire que c'était pas mal parce qu'il y avait un magicien, mais c'est même pas lui qui t'a fait disparaître. C'est balèze. Hein. Moi, je trouve que le. Et puis surtout, quand il y avait de la fumée, il y a le sosie d'Eddie Mitchell qui t'arrive. Mais c'était la dernière séance. C'était la dernière. Non, c'est pas possible. Non, stop. mais là, tu sais quoi, on dirait, franchement, c'est ce genre d'anecdote-là que j'aime, moi. Alors, bien sûr, je compatis. Hein, t'as dû souffrir sur le moment. Mais j'aime ce genre d'anecdote où tu te dis à quel moment le mec va dire où est la caméra, tu vois. C'est... Ouais, mais tu te dis non, et puis surtout en fait non. Là, le vrai truc, c'est que ça sera pas, ça va être pareil pour les autres anecdotes que je vais te raconter. C'est-à-dire que quand tu manques d'expérience, Et ça, je le dis aux jeunes humoristes qui vont écouter le podcast, quand tu manques d'expérience et que tu te retrouves dans un moment pareil, tu penses que c'est ta faute. C'est-à-dire, tu te Ah. dis que tu n'es pas assez fort pour capter l'attention parce que tu manques d'expérience et tout. Et c'est vrai. En réalité, je dis ça parce qu'il faut être conscient que quand ça arrive, il ne faut pas se flageller pendant que c'est en train de t'arriver et de te dire. Je suis nul, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez bon pour retourner la salle et la prendre dans ma main comme ça m'arrive quand je suis en forme, quand je suis bon et tout. Mais il y a un petit peu de vrai, parce que si tu es plus expérimenté, à un moment, tu vas prendre le temps, tu vas faire des impros avec les gars et tout, tu vas arriver peut-être à te remettre la salle dans la poche. Et c'est possible aussi qu'avec énormément d'expérience, il y a des endroits où ce n'est pas possible de jouer des sketchs. Parce que le public n'est pas là pour ça. Et là, dans cette anecdote-là, c'est la réalité. Et donc, vraiment, s'il y a de jeunes humoristes qui écoutent ces podcasts, il faut se mettre dans la tête que quand ça arrive, ce n'est pas tout le temps de notre faute. Même, tu vois, si c'est nous qui captons toute l'attention, on a l'audace, même des fois peut-être la prétention d'aller sur scène tout seul et de dire pendant 1 heure, je vais vous faire marrer. Et c'est quelque chose de très ambitieux, hein, de monter sur scène tout seul pour faire rire les gens. Mais de faire ça dans un théâtre où les gens sont venus et ont payé pour venir voir quelqu'un, même d'inexpérimenté, il y a une démarche. C'est pas le même public que des gars qui sont là pour un mariage, pour un anniversaire, pour un baptême ou pour la fête du vin et machin. Donc, si ça arrive à des humoristes qui nous écoutent, ne vous flagellez pas, ne vous dites pas tout est de ma faute. Ça peut aussi être au mauvais moment, au mauvais endroit. Et à ce moment-là, on baisse la tête, on remonte les manches. On va au bout de son sketch ou de sa prestation parce qu'on est des professionnels et qu'on a été engagé pour ça. Vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive, vous n'êtes pas les derniers. Mais il faut aller au bout parce qu'on est pro, mais il ne faut pas se dire qu'on est les seuls responsables. Voilà, s'il y a un enseignement à tirer de ça, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que dans ces cas-là, moi, comment je le vois quand ça m'arrive, j'essaye, tu vois, de faire un peu d'impro et tout machin, mais des fois, c'est vraiment un truc, ils sont imperméables à toute forme d'art, on va dire. Dans ces cas-là, moi, je me dis quoi? Je me dis, bah écoute, ça va être comme une répète, et du coup, je me mets en pilote automatique, et puis Ben j'essaye c'est de faire ça. le boulot. Voilà, et c'est tout. J'essaye Et ça de paiera à un changer. moment ou à un autre, cette expérience t'apporte forcément quelque chose. Ça te nourrit forcément. Des fois, c'est un peu dans la douleur, mais ça vaut le coup d'être fait, quoi. Voilà. Absolument, absolument, je Ouais. suis totalement d'accord. Et c'est vrai que c'est le manque d'expérience qui fait que des fois, il y a des galères qu'on pourrait éviter avec un peu plus d'expérience, mais ce n'est pas le cas de tout. L'expérience fait beaucoup de choses, et après, avec le temps, on connaît, on a les armes et tout pour pouvoir s'en sortir. On Bien sûr. saura, on va repérer la personne à vanner dans le public, un petit peu le trouble fait, tu vois, un peu le mec là avec sa télécommande. Là, je pense que le Florent Père d'aujourd'hui, il l'aurait détruit, quoi. Ouais, ou je l'aurais mis en boîte, ou peut-être je lui aurais donné un tout petit peu d'espace pour qu'il se fasse briller auprès des copains, et ensuite j'aurais repris le contrôle en l'ignorant, parce que des fois, quand tu as quelqu'un comme ça dans la salle qui a un rire un peu bizarre, ou qui a décidé de beaucoup parler et tout, si tu lui donnes trop d'importance, généralement. Il va pas te voler la vedette, mais ça devient vraiment perturbant. Donc il faut choisir, quoi. Mais ça me rappelle, je vais pas vous raconter l'anecdote en entier, mais une fois je me suis retrouvé sur un gala qui était en hommage, enfin qui était, c'était pour des maladies rares. Enfin c'était un truc pas rigolo du tout. Et avant mon passage, il y avait des artistes, mais de tous horizons, un qui faisait du vélo, l'autre qui jonglait. Enfin c'était un peu hétéroclite comme soirée. Et moi j'étais le, si vous voulez, j'étais le clou de la soirée. Et juste avant que je passe, il y a eu genre 20 minutes de discours sur la maladie pour laquelle on était là. Oh là là. Et avec des gens qui venaient témoigner parce qu'ils avaient perdu des proches et tout. Donc enfin, c'était très triste. Et sans transition, on m'a balancé là-dedans, quoi. Tu vois, donc impossible, impossible, mon pote, de débarquer, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vu que je ne pourrais pas jouer mes sketchs tels qu'ils étaient. Donc j'ai dû faire, je ne sais pas, 25 minutes d'impro. Alors il se trouve que c'était dans une région que je connaissais très bien. Donc, j'ai fait des impros sur tous les patelins aux alentours et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, et là c'est l'expérience, je me suis dit, tant qu'ils rigolent pas à toutes mes impros, à chaque phrase de mes impros, je n'attaque pas mes sketchs. Et j'ai refait, si tu veux, refait bouillir la marmite, parce qu'ils étaient descendus très bas en émotion, parce qu'ils étaient tristes de tout ce qui était raconté, et à juste titre, parce que ce n'était pas rigolo ce qu'on leur racontait. Et j'ai dit, tant que je ne les ai pas remis sur la voie de la joie, de la bonne humeur avec mes impros, même si c'est des ficelles un peu faciles qu'on connaît tous, je fais ça. Je les remets à température et ensuite, je leur donnerai mes sketchs. Et j'ai fait ça et j'y suis arrivé et ensuite, j'ai fait ma prestation. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire à l'époque des vignerons, si tu veux. Tu vois, je n'ai pas du tout eu ce recul, je n'ai pas du tout eu l'expérience. Par contre, je suis sûr que la soirée des vignerons m'a servi à bien m'en sortir dans cette soirée-là, si tu veux. Tu vois, donc, c'est toujours constructif, en fait, les galères. On en tire des enseignements, on en tire de l'expérience et puis on se dit plus jamais ça. Et voilà, enfin, ça nous, on en sort grandi. Et puis de toute façon, l'avantage quand on est humoriste, je pense, c'est que quelles que soient les galères qui nous arrivent, soit on va en faire un sketch derrière, soit on va en parler avec des copains et tout, on va rigoler, tu vois, on va en rire plus tard, quoi. En fait, ça va être, intéressant plus tard. Voilà. Tu vas le raconter sur un podcast d'un mec qui te suit depuis 5 ans discrètement, tu vois, enfin, c'est. Ça permet aussi des fois de se sortir d'un mauvais truc, tu vois. Oui, voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'espère que si le podcast te plaît, tu retireras ta plainte. Et évidemment, évidemment. Voilà. Écoute, j'ai le numéro du commissariat là, à côté de moi. Dès que j'ai le podcast, j'appelle ou j'appelle pas. Voilà. Si, écoute, si le lendemain de la mise en ligne du podcast, ça toque à ta porte, c'est la police, c'est que j'ai pas aimé le podcast. Si il n'y a rien, c'est que c'était canon, voilà. Ah, d'accord. Bah, écoute, je te remercie. Et j'espère que personne viendra à la porte. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bien. Et donc, tu as eu d'autres galères comme ça. Tu nous parlais d'une seconde anecdote. J'ai eu d'autres galères. Je vais jouer dans un patelin. Et quand j'arrive, l'organisateur me dit « C'est génial, on est trop content que tu sois venu. Il y a les Lascargues, c'était à l'époque dans Le Monde qu'à en rire, où vraiment on était l'émission cartonnée. Et il me dit, les Lascargues sont venus la semaine dernière, il y avait 700 personnes, ils se sont éclatés et tout. Donc, moi, je suis trop heureux parce qu'à l'époque, je ne joue pas devant des salles de 700 personnes tous les jours non plus, tu vois. Donc, je lui dis, génial et tout, ça va être canon. Et c'était dans le Nord. Et je fais mes balances et tout. Et puis, quand je finis mes balances, je vais en coulisses et j'entends, il y a une dame habillée en cow-boy qui vient, qui me fait, ouais, ça va ? Elle a fini ses balances, la star, là ? Je dis, bah, oui, non, parce que nous aussi, on a les balances à faire, hein. Ah bah, oui, pardon, désolé. Ouais, mais bon, ça va. Hein. Et puis bon, et elle disparaît. Moi, je vais dans ma loge, j'attends. Et puis mon Laurent, mon associé, qui est mon ami d'enfance et qui a toujours été avec moi sur toutes les dates et tout, qui coproduit le spectacle avec moi, me dit écoute, il y a une espèce de première partie, donc tu joues pas à 20h30, tu joues à 21h30, ok, pas de problème, donc j'attends. Une heure de première partie ? Ouais, c'est là que tu dis, tiens, bizarre, cette première partie. C'est long quand voir, même. Je vais aller voir ce qui se passe. Et là, en fait, la dame qui m'avait dit, il a fini ses balances, la star, elle faisait partie de tous les commerçants de la ville et de tous les bénévoles. Pas les commerçants, les bénévoles de la ville, parce que c'était la soirée des bénévoles de la ville. Et avant mon spectacle, tous les bénévoles de la ville faisaient un spectacle. De la danse country, de la reprise de sketch, des claquettes, des farandoles, enfin tout ce que tu veux pendant une heure, ok ? Donc je dis, bah, d'accord. Et ensuite, il y avait une demi-heure de pause, ok ? On était dans le Nord et pendant une demi-heure, ils sont allés boire de la bière et manger des fricadelles, d'accord ? Et après, mon pote me dit, c'est bon, tu peux y aller. Là, j'entends, je suis encore dans la loge, hein, je suis à deux étages au-dessus de la scène et j'entends, bouah, ça tremble, les mecs applaudissent, ils hurlent et tout, ils sont chaud bouillant, ça va être génial. Je rentre sur scène, à l'époque, je commençais mon spectacle de dos assis sur un fauteuil, la lumière, il y avait une douche qui tombait sur le fauteuil comme ça, quand la douche tombe, paf, j'entends, ouais, ils applaudissent et tout, je dis, ouais, génial. Je me retourne, je disais, mesdames et messieurs, bonsoir. Là, tout le monde fait, bonsoir, et bonsoir, et bonsoir, ça va, et salut, et bonsoir, et bonsoir. Et donc ensuite, c'était, qui est Florent Père ? Bah c'est toi, Florent Père, c'est toi, c'est lui, Florent Père, et c'est lui. Et chaque phrase, ils hurlaient, ils répondaient aux questions et machin. Là 700 premier personnes, degré, mon pote, en phase à premier degré, et puis chaud bouillant, ivre mort. Encore une histoire d'alcool, hein, désolé, mais 700 personnes devant moi sur des gradins. Au milieu des 700 personnes, un petit noyau dur de 100 personnes, de vrais fans. Et au milieu des vrais fans, le maire, okay, qui me regarde droit dans les yeux. Et là, toutes les 3 minutes, j'entends les gradins qui font blam, blam, blam, blam, blam. Et tu as les strapontins qui se ferment les uns après les autres. Et les gens s'en vont petit à petit, comme ça, régulièrement. On a commencé à 700, on a fini à 200, s'il te plaît. Okay, j'ai 500 personnes qui se sont barrées, dont une dame qui a descendu tous les gradins avec une poussette. Okay, et qui descend comme ça, qui fait blam, blam, blam, blam. Hey, je vais me coucher, ah, moi je suis crevé, ah, je travaille demain, moi, blanc, blanc, ouais, t'as raison, moi aussi, je vais me coucher. Oh là là. Et j'ai fait, je suis allé au bout quand même. Et là encore une fois, je pensais fort à Dupontel en me disant, ouais, Dupontel, il se serait barré. Et puis dans ma tête, je me disais, ouais, mais t'es pas Dupontel, donc va au bout. Et j'ai joué comme ça une heure, mon pote. Oh. Et voilà le souvenir, quoi. Voilà le souvenir. Et je suis allé au bout quand même. Mais c'était, ouais, c'était sport. Franchement, c'était très, très sport. Est-ce que c'était le maire qui tenait la télécommande de fumée ou pas? Maintenant que tu me le dis, c'est peut-être le maire, en fait. C'est peut-être lui qui était dans les deux anecdotes. Le bâtard, faut que je le retrouve. C'est lui qui te poursuit, en fait. C'est pas moi. Mais c'est ça, c'est lui qui me suit, en fait. Excuse-moi, c'est pas toi du tout. Excuse-moi, ouais, Sofiane, je suis désolé. Pardon, je vais retrouver le maire, ce patelin. Je retire ma plainte. Ah oui, voilà. Bah, je te remercie. Ouais, non, bah, je te rassure, hein, les fausses accusations, j'ai l'habitude. Hein, je suis musulman, donc... j'ai déjà vu les chaînes d'infos en continu, je te rassure. Bon, mais en, ouais, en donc tout cas, c'était très très fort, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même dingue. 500 ouais, personnes qui partent. Ouais. Mais en plus, mais pareil, elles sont pas parties. Mais elles sont même pas parties à cause de toi. Elles sont parties parce que le public les saoulait, quoi. Je sais pas. Non, ils sont partis pareil parce que ils étaient venus pour voir les copains faire des sketchs avant. Ensuite, ils ont fait la fête ensemble. Et après, ils devaient se concentrer encore une heure alors qu'ils avaient fait la fête. Ils n'avaient pas envie, quoi. Et je peux le comprendre, en fait. Tu vois, c'est encore une fois, c'est plus un problème d'organisation. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est que, mais moi, je croyais, en fait, qu'ils étaient venus voir le spectacle. Et le fait que tout le monde réponde à chacune de tes interventions. Ah, non, non, non. C'est que sur 700 personnes, il y en avait 500 de bourrés. C'est tout. D'accord. D'accord. Ouais, voilà. Donc, c'est plus des départs éthyliques, quoi. C'est plus. Exactement. Départ éthylique, tu vois. Ah ouais. Mais eh ben, tu vois, je t'ai dit, tiens, je vais te raconter une autre anecdote où là, je m'en suis bien sorti. Ça devait être après ces deux expériences parce que j'étais plus expérimenté et je faisais déjà en demande qu'à en rire. Et je joue, je ne sais plus où, dans un petit patelin. Et c'était mon premier spectacle. Et le rappel à l'époque, c'était, j'avais un sketch où je faisais Mario et donc la bande-son était très importante parce que c'était un sketch visuel, quoi, tu vois. Ouais, tu l'as fait dans Ondar. Bien sûr, ouais, je l'ai fait dans le bar et après je l'ai réécrit pour la scène. Ouais. D'accord. Et c'était devenu le rappel de mon sketch, le rappel de mon spectacle. C'était un sketch très fort qui marchait très très bien. C'était un super rappel et j'étais très content de l'avoir, quoi. Et là, je fais tout mon spectacle, ça se passe très bien. Et au moment où je vais commencer Mario, je n'ai pas les sons. Je regarde le régisseur, il me fait signe. Alors attention, là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, le lecteur MD, parce que c'était des MD à l'époque, alors c'était des petites disquettes toutes pourries, il me montre que il me fait signe, le truc est mort. Oh là là. C'est pas que ça, il y a un bug, c'est le truc a cramé. Et il me fait signe, c'est cramé. Et je dis bon, soit on arrête le spectacle, soit je tente un truc. Et je tente un truc de ouf, je dis au public ce que je viens de te dire. Je dis les gars, voilà, j'allais vous faire le rappel de mon spectacle. Là, mon régisseur fait signe que le truc est cramé. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais improviser jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau lecteur que je puisse vous faire Mario. Et là, le public dit ok. Et écoute-moi bien, je jure devant Dieu que c'est vrai. J'ai dû faire peut-être une demi-heure d'impro jusqu'à ce que le mec aille chercher un autre lecteur à côté, dans le théâtre d'à côté ou je sais pas quoi. Il a rebranché le lecteur et à un moment, je suis en train de faire des impros, j'attends. Alors, j'ai fait le maire qui partait à la FNAC acheter un nouveau lecteur. Enfin bref, j'ai fait tous les trucs possibles et inimaginables. Et à un moment, mon régisseur me regarde, il me fait « pouce en l'air ». Ok, donc, on a récupéré le truc et j'ai fait Mario et j'ai fini le spectacle. Mais tout ça pour dire que je pense sincèrement que c'est marrant parce que cette anecdote, je n'y avais pas pensé depuis bien longtemps. Je pense sincèrement que c'est toutes ces galères-là qui font qu'à un moment, tu te dis, je suis capable de partir une demi-heure en impro le temps qu'il aille à solutionner le problème technique, tu vois. Et tu connais ça puisque t'es humoriste aussi, tu te retrouves des fois en galère et tu sais qu'à un moment, il y a un moment dans la carrière où tu prends la confiance et tu dis, je suis capable de meubler, de faire de l'impro et de l'impro de qualité pendant tant de temps, tu vois. Et voilà. Mais franchement, c'est bien, c'est une belle force d'avoir transformé tes galères du coup en puissance comique pour des impros comme ça quand il y a des choses imprévues, quand il y a des imprévus, hein, tout simplement. C'est là qu'on voit le bénéfice de l'expérience de l'humoriste, c'est sûr. Et je pense que plus on joue, de toute façon, c'est comme tout, plus on pratique quelque chose, plus on est bon. Et donc toi, dans l'humour. Non. T'as connu des galères, t'as connu des hauts et des bas, comme on dit. Et puis maintenant, voilà, je veux dire, ça te fait plus peur parce que t'as un gros, gros kilométrage de scène. Et donc voilà, quoi, Ça me faisait plus peur, je te dis. Il y a aussi des trucs que je ne ferai plus. Hein. Franchement, il y a des trucs que j'ai fait et que. Non, mais là, ce que je te raconte, tu vois, j'y retournerai pas. Hein. Franchement, j'y suis allé parce que je n'avais pas d'expérience. Mais si tu veux, sur le papier, c'est écrit que c'est une tannée. Si tu veux. Mmh. Donc, ouais, l'expérience là, maintenant, c'est de dire. Franchement, c'est de refuser poliment, de dire voilà. C'est ça. Je sens que ça va être compliqué, je vais peut-être pas y aller, tu vois ce que je veux dire. Après, si tu te retrouves dans une galère, tu as plus d'expérience pour t'en sortir. Mais voilà, c'est ça. Il y a des trucs où tu te dis bon. Moi, je pense que l'expérience, elle va t'apporter deux choses. Elle va t'apporter, premièrement, la possibilité de t'en sortir quand il y a quelque chose d'imprévu, mais que tu peux gérer. Et la deuxième chose, c'est ce que tu viens de citer là, c'est le fait de refuser certaines choses. Et moi, je pense de mieux négocier. Tu vois, par exemple, l'histoire de cet événement caritatif contre la maladie et tout, l'idée est très bonne. Mais je pense que le discours vraiment émouvant et tout, il aurait fallu le mettre à la fin. Tu vois, pas au début. Donc, en fait, t'as raison, c'est pas tant de refuser l'événement, sauf si vraiment le gars te dit il faut jouer sur un parking. Tu vois, et encore, ça peut être magique, on n'en sait rien. Plutôt que de le refuser, tu vois, c'est de dire écoutez, je pense que. C'est de faire part de ton expérience, de dire là, effectivement, je pense que si c'est la fête des vignerons, vous me faites jouer à 17h, ils vont être cramés. Venez, on fait le spectacle en début. Ils seront plus concentrés. Après, ils feront la fête. Tu vois, effectivement, le petit discours, parlons des associations et de la maladie à la fin du spectacle. Tu vois, c'est plus d'amener ton expérience à l'organisateur et de lui dire écoutez, je l'ai déjà vécu, ça va être compliqué. Je veux quand même venir parce que ça me fait plaisir de venir participer à votre événement. Mais. Venez, on le fait différemment pour éviter une galère. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Et c'est l'avantage des galères, parce qu'après, ça reste des bons souvenirs et puis ça reste des trucs un peu d'archives. Tu vois, c'est un peu comme des vaccins. Tu vois, ça te fait des anticorps. La prochaine fois que tu vas rencontrer la galère, ton corps va naturellement lutter contre. Tu vois, donc ça va aller. Bon, là, on a une galère, c'est que s'il y a des humoristes anti-vax, bon, bah, ils peuvent arrêter leur carrière du coup là. J'avoue que j'ai pas pensé aux antivax. Je suis vraiment désolé. Bon, merci beaucoup. Arrête. Merci à toi, c'était un plaisir. Le plaisir était partagé. Merci. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, bah, sur les réseaux sociaux, j'ai mon Instagram qui tourne pas mal, que j'essaie d'alimenter assez régulièrement. Ça dépend des périodes. J'ai des périodes plus prolifiques que d'autres. Et puis, des fois, j'ai du temps, des fois, j'en ai moins. Donc voilà, mon Insta, il tourne pas mal, mon Facebook aussi. Et puis, voilà, écoute, là, je reprends la tournée. Je serai à Paris à partir du 1er octobre au Théâtre de Trévise. Donc, OK, on te retrouve sur ton site florentperre.com et également donc, sur tes réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description. Merci encore. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.